哇喂，嘿，奇诺那哦，耶耶耶 ，L C N A R O， 哇喂， pour nos frangins Chino， 西西 ，Gignac， Marseille， pure connexion， tu croyais quoi hein？ T'inquiète， on est toujours là pour aider la famille， dealer。 Dans ce monde qui persévère, je suis là, je persévère. Un mec qui persévère, moi j'en oublie mes nerfs. Parce que les gens m'énervent comme un chien sans minerve. Dans ma vie solitaire, mais toujours solide, frère. Car je suis solidaire, toujours dans la misère. Je me relève de par terre, je ne suis pas vulgaire. Je dédicace à mes frères, ma routine est trop fière. Oui, t'as reconnu le style, venant tout droit de Marseille. Et représente pour nos villes, sur un gros son qui t'harcèle. Le fit tant attendu, sera tant répandu. Ceux qui m'ont répondu, je leur passe un salut. La bombe est bien pendue, j'espère que t'as entendu. C'est du son de la rue, j'espère bien que tu l'as vu. Si tu me critiques, gars, tu sais que tu m'es pas de pas. Toi, joue pas devant moi, fais bisous à papa. Moi, je te tire des tatas. Soin de la gaffe pour s'éloigner des caves, pas copier ses caves. Ils croient que la vie est facile, la vie est dure, mais tu sais, c'est pas facile pour moi de voir des frères du quartier en train de galérer pour pouvoir charbonner ou faire des arrachés, histoire d'avoir un peu de blé pour pouvoir manger. Quand ma mère s'inquiète pour moi, maintenant je comprends pourquoi la peur de ce quartier. Je sais, traumatisé par ce qui s'est passé. Mon pote Yazid qui s'est fait tuer, ça lui restera gravé à jamais, quoi qu'il arrive ou quoi qu'il advienne. Jamais j'oublierai tout ce qu'elle a fait. Elle qui s'inquiète quand je rentre tard, qui fait du souci pour moi. Yazid, repose en paix, je vais relâcher pour avoir un peu de blé. Car ceux avec qui j'ai grandi possèdent presque tous ces casiers. Si tu savais comme j'ai galéré, ce que j'ai enduré. Pour toi c'est rien, je sais, mais crois-moi, j'en ai pas fait. Démarseillais, O-Q-N-C. Oui, on est né pour tout péter. Tu peux pas tester Chino Naro. Oui, c'est du Ramadji Ghetto. T'as reconnu, tu peux pas tester. Faut que tu nous laisses faire notre zik et notre biz n'a reçu le best. Le rap je lâcherai pas, même devant un gros chèque. Man j'ai plus besoin de toi, je ne veux plus de tes checks. Ouais tu veux devenir mon pote alors que t'es en retrait. Tu veux venir me parler alors que tu m'as toujours évité. Gravé en mémoire tout ce qu'on a vécu jusque là. Des décès, des proches parties, je me rappelle même de là. Maintenant il est temps pour moi de sortir de là. Compte sur moi, je représenterai mes gars même au bord des larmes. Bah ouais hey. Jusqu'au bord des larmes. On représentera nos gars. Ouais, on représentera nos gars, ouais. Yeah, Naro, Chino. T'inquiète, Naro, Chino, mon frère. Tout le monde les prend les...